Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita. Bonsoir Marc. Bonsoir Michel et bonsoir chers auditeurs et auditrices. Et alors Marc, qu'est-ce qu'on a au menu de notre premier bloc musical de la soirée? Oui, bien on aura entre autres la formation américaine Ice Age qui font un retour sur disque après plus de 20 ans. C'est une formation qui a été fondée en 1991 dans l'État de New York. Ils ont débuté en quartet prog metal. Leur premier album est paru en 1999, leur second en 2001. Et donc leur nouvel album qui s'intitule Waves of Loss and Power paraîtra le 10 mars prochain. Alors de cet album, on aura la pièce River Flow. Vous y verrez probablement des parallèles avec la formation Kansas et peut-être un peu de Genesis. Également à partir de 21h30, on aura un spécial de 60 minutes avec la formation italienne Sezione Frenante, et ce sera le guitariste Antonio Zullo qui sera là avec nous pour nous parler des trois albums que cette formation a fait paraître. Et pour débuter le bloc musical, Michel, on y va avec une autre nouveauté, cette fois-ci d'une formation de l'Allemagne. Oui, il s'agit de RPVL qui lancera son 8e disque studio le 17 mars prochain. Le disque a pour titre Crime Scene. C'est pas notre premier extrait dans le cadre de l'émission. Et ce soir, on va écouter la pièce Life in a Cage. Et puis, on aura d'Irlande, un groupe que, mon Dieu, j'ai découvert tout récemment et que j'aime beaucoup, M. Opus. C'est un troisième album pour cette formation irlandaise. Le titre, c'est At the Mercy of Mananan. Un premier album est paru en 2015 sous le titre de Triptych. Le deuxième, Origins, en 2020. Et ben, celui-ci, 2023, donc. Et la particularité, c'est que chaque album est enregistré et conçu avec une année en tête. Donc, dans le cas du premier album, c'était comme un album enregistré en 1975. Le deuxième, 1978, mais le tout nouveau, ben, c'est comme les gars ont essayé de recréer un album comme en 1972. Et le groupe est mené par le chanteur-claviériste Jonathan Casey, qui est aussi membre du David Cross Band. Et on y va avec RPVL. She was before. Thank you. Yeah.

il vento che rotola sui tigli e sui fiori diffonde i profumi sui nostri pensieri. Nello sguardo sereno, il sole che sorge come lama di fuoco, infonde calore sui timidi cuori. Destino. nuove dimensioni investigates the universe origin, the space depths, the nature of time, the fate of black holes, man as an indirect protagonist, turning his gaze to the sky, hoping to steal its secrets. Orizzonte degli eventi is a concept related to the black holes, a theoretical prediction of the general relativity. It is defined as a boundary surface beyond which no event can affect an external observer. Venere tells the second and brightest planet of the solar system. Venus, for the ancient Romans, or Aphrodite, for the ancient Greeks, was considered the goodness of love, beauty and fertility. In astrology, Venus represents the planet of love and feelings. Gli Egizi annunciava un Nilo invadente. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. Artiste de la relève, ce message s'adresse à toi. Tu aimerais obtenir une bourse Première Ovation pour réaliser ton projet? Tu as jusqu'au 15 mars pour déposer une demande en théâtre, en art multi, en art numérique, en design ou en patrimoine. Tous les détails sur premièreovation.com. Le 8 mars prochain, venez assister au lancement du nouvel EP du groupe Ombre. En vente sur lepointdevente.com. Dans le cadre de la série Perséide, le Maestro 181 rue Saint-Vallier-Est. Audiolite, amplificateur pour casque d'écoute, amplificateur de puissance, lecteur CD, table tournante, enceinte multiple d'extérieur ou Wi-Fi Bluetooth, système compact cinéma maison. Audiolite, 50 ans de tradition et d'innovation. Toujours spécialiste en son et images. Audiolite.qc.ca. Folk d'Amérique, l'émission de musique racine la plus titrée des galas de CKRL au cours de la dernière décennie, reprend du service les dimanches après-midi, 15h. Au programme, chansons contestataires anciennes et contemporaines, blues, bluegrass, folk songs d'ici et d'ailleurs en Amérique, et leurs sources européennes et africaines. Une chaleureuse invitation de Gilles Chaumel. Bonjour, ici Leonard Cohen. Vous écoutez CKRLMF 89,1 à Québec. Dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard, fier partenaire de CKRL. Consultez la programmation des spectacles à venir sur lebaldulezard.com. De retour à Terra Incognita et on poursuit notre spécial sur la formation italienne Sezione Frenante avec la participation du guitariste Antonio Zullo. Fuso delle necessità tells about her, Armenia's son. Talks about a valiant soldier from Pamphylia, killed in action. During his funeral stake, he woke up from his mortal sleep to tell what he had seen in the afterlife. La maschera della morte rossa tells about a prince who decides to lock himself in his palace, together with coaches and friends, to escape from the terrible Pelag. But death still finds a way to break him. Prigioniero di visioni doesn't aim at creating a musical transposition of literary works, while it is an evocation of black atmospheres, inspired by the works of Edgar Allan Poe and Guy de Maupassant. L'albergo tells the story of two guardians isolated in a hotel by the snow. One of them goes out on a hunting trip and never comes back. The other guardian, left alone with the dog, will live a shocking experience that will drive him mad. sue mani al cielo nero, la mente avvolta dalla notte buia, girava senza posa attorno a casa, senza ricordo, senza alcun pensiero. La neve sciolse quello strano inverno, la strada per l'albergo c'era ancora, capelli lunghi sulle spalle magre, ma l'eco dell'inverno disse forte. Rivelatore is the story of a young man who, being obsessed by the eyes of his elderly roommate, kills him. The heartbeat of the victim that the young killer thinks to hear drives him to confess. Kissa is the incredible adventure of a loner man who lives surrounded by his loved things. One night, these things start an inexplicable revolt and decide to leave the house. Then, equally mysteriously, they will come back. silenzio e vuoti attorno a noi. Vivo bene qui solo con queste cose che amo, che ho portato qui accanto a me, lontano dalla mia città, nei rifugi che ho costruito per me, per i giorni solitari della vita mia. E pensando alla mia pazzia, al mio star lontano, al male che cresce in me, se vedo te come piovra fugge via il mio scrittoio antico, le mie fotografie, il piano dei miei sogni. Potrei restare qui prigioniero di visioni della mia follia. Thank you for broadcasting our music. Greetings to all listeners from Sezione Frenante. Ciao! Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. Ici Jessica Leb. Sortie culturelle à la Korrigane, c'est votre rendez-vous hebdomadaire avec ses KRL et les artistes d'ici. Chaque mercredi de 18h à 20h, les invités se dévoilent au plus près de vous en entrevue et prestations au 380 rue Dorchester. En assistant à l'émission, vous pourriez repartir avec de beaux prix de présence. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard, fier partenaire de CKRL. Consultez la programmation des spectacles à venir sur lebaldulezard.com. De retour à l'émission Terra Incognita avec Michel Bilodeau et Marc Chaunet. On remercie encore une fois Antonio Zullo pour sa participation à cette émission spéciale sur l'excellente formation italienne Sezione Frenante. Alors, dans le prochain bloc musical, on aura une formation de la Grèce, Verbal Delirium, et deux extraits de leur plus récent album intitulé Conundrum. On aura également une pièce de Rick Wakeman qui vient de faire paraître son nouvel album intitulé A Gallery of the Imagination. Alors, il a réalisé plus de 80 albums et je pense que tout le monde le connaît comme étant un des claviériste qui a œuvré au sein de la formation Yes. Alors, pour ce nouvel album, Rick Wakeman flirte un peu avec le rock progressif par moment, surtout par l'utilisation de son mini-moog. Alors, ici, on écoutera la pièce Hidden Depth. Et pour débuter le bloc musical, Michel, une excellente formation du Brésil. Oui, Caravela Escarlate, qui a lancé il y a quelques semaines son troisième album studio, tout simplement intitulé 3. Ou Tree. Et ainsi de même, on a eu le plaisir de présenter il n'y a pas si longtemps une émission spéciale d'une heure avec le groupe. Et on va écouter la pièce Bussola do Tempo. Thank you. Oh,